tombé dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Je tombé dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Le regret d'un adolescent qui bat à sa sœur, écroué devant la barre pour viol, braco, assassinat. Le regret d'un kamikaze qui donne son âme au diable. Le regret d'un juif qui dit que l'arabe est un terroriste. Le regret d'un frère qui dit à sa femme qu'elle n'est que le gars. Le regret d'un pote qui a couché avec la sœur de son ami. Le regret d'un petit qui fait la zermie à sa mère. Le regret d'un père qui laisse sa famille pour aller à la guerre. Le regret d'une fillette qui donne sa virginité car elle voulait grandir trop vite. Le regret d'un schlag qui prend sa dose et le soir même il crève d'overdose. Et le regret d'un arabe qui abat. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Un sentiment pour tout gâcher, comme à quoi servait cette arme que t'as plaqué. Le regret que j'ai, cette violence dans le quartier. Trop jeune, je regrette, on arrive excité. Y'a eu trop de vie cachée pour trop de jeunes qui tombent. Le regret quand tu mises gros, quand tu dois dans la crise. Culpabilise-toi pas sur ton sort, du petit frère qui s'en sort pas. Le regret, pas prendre mes pas, je regrette ça. Le regret d'un jeune qui a le mal du ghetto. Argent facile, idée stupide derrière les barreaux. Il pense à son avenir, qu'est-ce qu'il va devenir? Un schlag ou un toxico. Le regret d'un voyou qui noie ses soucis dans l'alcool. Passe son temps à s'intoxiquer. Le regret d'un musulman qui n'a pas posé le front au sol. Le regret d'un petit qui a trahi ses potes. Le regret d'un chien de la casse qui a niqué sans capote. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Tu parles de lui, tu parles de moi, c'est la même connard. Les infos nous trafiquent par ascension. Franchement mes regrets, je les garde pour moi. Du bien, du mal. Je me suis sacrifié dans le rap sans regret. Je sais ce que je dois faire. Surtout je regrette de ne pas avoir touillé les grosses putes qui parlent de moi. Digne de la jalousie, faut qu'on s'entretue. Longue vie à nos proches qui nous estiment de loin. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Je reviens dans l'erreur, que Dieu me pardonne. J'ai d'un j'ai pas peur, c'est vous qui m'impressionne. Avant qu'arrive mon heure, avant qu'elle ne sonne, je veux en toucher le bonheur, que mon nom résonne. Serfiu, ok, G8, frère de la rue charismatique. Écoute ça, c'est la patate frérot. Tous nos regrets pour tous ceux qui nous estiment pas, qui nous aiment pas, qui nous en veulent. Niquez vos mères, ok?